année. ALMC, toujours pas fatigué, pas fatigué. Tous debout la cassette, va te faire penser. Du pulso pour les gros et les négros. T'apprends à Omniville, des B2EBO. Demain dans les bacs, y'aura plus de la cassette. T'entendras plus notre son sur toute la planète. C'est la cassette, c'est grave les mecs, l'air qui me grave les nerfs. Qui parle mal des mères, qui crie des vers, qui claque sévère. On est des fous, on déboule pour foutre à tous des coups de boule. On pousse la foudre et le coup de foudre, lève dans ta bouche en goût de foudre. Cassette à l'air, c'est un Rolex. Des meufs, des meufs sont boîtes. Casse-tête, mais MC. Casse tes textes, des bonnes statiques en tournant. École détestique de gros flanc. École esthétique en coulant. Décolle ton style en tournant. Le coco en flotte, ton si fin qu'on le mange à la baguette. L'instru c'est douanière, faut que t'ouvres sa braguette. LMS, on se parle comme à l'esplanade. Électro, trop, trop nid, des putains de bibi, bibi. Que des bébés de MC, si, si, si. C'est notre cassette, gage dit avec des putains de sa cassette pourrie. LMS, c'est 24 heures, quitte à mourir. Fabrique artisanale d'un putain de produit. Tout ton système auditif se retrouve nourri. Quel tu dis ça? Que les coups nous soient donnés, c'est ici que tout commence. Cette cassette désordonnée annonce orage et dépendance. Indépendant de leur jugement, bien perdu mal au silence. Qu'ils se méfient de l'eau qui dort, nous on n'aura aucune clémence. Les mots juste pour référence, même si le thème est différent. Un parfum de performance, indisposés, indifférents. Des joints, un mic, des phrases sur une cassette canalisée. Analyse et réalise qu'on te retourne globalisé. C'est la cassette, propre à la tête. Pas besoin de cassette et de basket. J'envoie direct mon flow et net, net, net. Faut-il encore que je respecte le monde que c'est la casse. Qu'est-ce qui se passe, c'est la cassette, ouais. C'est la cassette. LMC, LMS pour tes oreilles. C'est la cassette. Le projet extension en mode cassette. C'est la cassette, c'est la cassette, c'est la cassette, c'est la cassette. C'est la cassette, c'est la cassette, c'est la cassette. C'est la cassette, c'est la cassette, c'est la cassette. C'est la cassette.